projet LeusDen. Mes collègues qui l'ont piloté depuis l'origine n'ayant pas pu de toute manière venir. En revanche, à l'invitation du service archéologique, on a souhaité pouvoir coupler un certain nombre de nos prérogatives et puis essayer d'être présent. Donc la raison pour laquelle, effectivement, je vais vous évoquer ce projet dans différentes de ses dimensions. Alors, au départ, le LeusDen est apparu dans le cadre d'une thèse de doctorat à l'université d'Amsterdam. Et c'est Léo Ballet qui, entre 2006 et 2011, a travaillé véritablement sur ce projet de recherche qu'était la perte de ce navire hollandais en 1738. Et il a amassé un certain nombre de documentations, et l'un de ses enseignants-chercheurs était Jerzy Gapranski. Et vous avez vu les trois premiers noms qui apparaissaient sur la page de garde de cette intervention. Jerzy Gapranski, donc, qui est directeur du service archéologique de la ville d'Amsterdam et enseignant à l'université d'Amsterdam. Michel Lou, qui est directeur du service à compétence nationale, le DRASM. Et puis Denis Metzger, qui est l'un de nos collègues depuis plus de 25 ans et qui était chargé en particulier de la logistique et de la mise en place de cette intervention. Alors, les différents éléments qui ont pu être réunis ont permis d'identifier qu'il y avait dans le cadre de cette étude sur cette épave, eh bien, la nécessité d'essayer d'avoir des approches de réponse de manière totalement apaisée par rapport à un sujet qui est récurrent sur un certain nombre des côtes françaises sur lesquelles nous sommes amenés à travailler, qui est le commerce transatlantique en particulier. Et ce navire est, d'une certaine manière, et j'ai essayé de vous le préciser, cristallise un certain nombre d'éléments dans la mesure où c'est probablement l'une des seules épaves, enfin l'un des seuls navires qui aujourd'hui est une épave et qui potentiellement est conservé et qui, dans ce cadre-là, est conservé dans son voyage à destination et non pas, je dirais, dans un retour ou bien après avoir été détruit volontairement. On se retrouve dans une situation où ce navire, le LeusDen, de la compagnie hollandaise occidentale, eh bien, est amené à réaliser entre 1719 et 1738, les premiers jours de 1738 lors de sa perte, à réaliser 10 voyages. 10 voyages dont 6 étaient à destination du Suriname. Et dans ce cadre-là, on se retrouve avec un voyage qui avait commencé au Ghana, à l'Émirat, et à destination donc du Suriname. Mais il y a eu une erreur de navigation, et ces éléments-là, en fait, on les tient véritablement des archives. Et l'idée du projet a été d'essayer de coupler, au-delà des travaux de récupération de l'information, c'était d'aller plus loin et de se dire, est-ce que sur le terrain, il est possible d'attester un certain nombre d'éléments et d'approcher une des épaves de manière scientifique, mais après avoir fait une démarche véritablement à la fois éthique, mais dans une réflexion constructive pour essayer, là aussi, d'utiliser des technologies ou des techniques que je vais vous évoquer pour essayer d'avoir une approche vraiment pas à pas pour avoir une idée très précise des capacités que nous aurions éventuellement à aller jusqu'à des interventions de terrain et voir un jour éventuellement avoir une fouille sur ce site-là. Alors on n'en est pas encore à la fouille et c'est ce que je vais vous évoquer, mais en tout cas dans le cadre de ce dernier voyage de ce navire qui était le LeusDen, on a un départ d'un des grands centres de la presse de lumière peut avoir contribué à continuer la dégradation. l'information de ce qui aurait pu être fiché dans les CDI. Donc dans ce cadre-là, contrairement aux autres épaves, et là vous n'allez pas pouvoir accéder véritablement à l'information, il y a le Fesenborg qui a été fait de manière méthodique. Tous les autres n'ont été qu'approchés. Et donc aucune information n'a pu véritablement contribuer à du Maroni, on est dans la partie française, dans la partie des eaux françaises. Donc, dans des bancs qui sont aujourd'hui assez circonscrits et qui permettent, là encore, d'avoir une idée plus précise et la possibilité de s'approcher, je vous le disais, des concentrations métalliques, parce que quand on additionne les canons qui pouvaient se trouver à bord, on a près de 7 à 8 tonnes de métal. Les boulets, près de 500 kilos. Et tout ça est consigné dans les archives. Les encres, il y en avait 8, les grappins, on arrive à un ensemble de près de 10 tonnes de métal. Et dans le cadre des travaux qu'on est amené à suivre ou à mener nous-mêmes, on sait bien que des concentrations métalliques de cet ordre-là les travaux magnétométriques peuvent nous permettre véritablement de les identifier. Mais les conditions font qu'il était extrêmement compliqué de s'approcher dans le petit fond et autres. Donc, sonar latéral, magnétomètre, et les zones que je vous indiquais sur la dernière carte, en fait, ont été couvertes intégralement, avec des moyens alors, adaptés hein, pour ne pas avoir de tirant d'eau, mais il nous est apparu que ce n'était pas totalement suffisant. Alors, on l'avait testé dans le cadre de... Il y a eu également l'approche avec les chefs coutumiers. Mais notre approche a été aussi celle que l'on avait développée dans le cadre de l'archéologie préventive et d'essayer de voir si des magnétomètres, aujourd'hui, compte tenu du terrain extrêmement contraint, on pouvait aussi les accrocher sous un drone, par exemple. Et il s'avère que dans ce cadre-là, la prospection, elle a également été menée par drone pour essayer de couvrir, y compris dans les fonds extrêmement petits, mais ce qui ne veut pas dire que les fonds étaient aussi réduits au moment, enfin en tout cas en 1738. Donc l'idée a été bien de couvrir avec le magnétomètre, d'enregistrer les variations du champ et de couvrir ainsi une grande partie, mais pas l'intégralité, d'où la nécessité de poursuivre en particulier et de pouvoir aussi documenter depuis l'ensemble des secteurs en tournant tout simplement la caméra, de voir un petit peu où on pouvait se trouver. Et il y a des zones qui n'avaient pas été vues sur l'instant, c'est des recherches qui ont permis, là par exemple, de voir des ensembles, des curiosités. Alors, ce projet participe aussi à un projet de carte archéologique, c'est-à-dire de recenser aussi un certain nombre de vestiges sur les côtes de Guyane, et donc de contribuer aussi à une mise en place d'une méthodologie de repères, de partenaires qu'il faut identifier et progressivement s'en approcher. Alors, l'opérateur de pilote hein, du drone pouvait ainsi programmer des cheminements et puis ensuite voir à quels endroits tout ça est rangé, référencé, quels sont les endroits qui méritent intérieurement d'être couverts et de regarder. Alors là, ça sentait effectivement pas bien. On a effectivement une variation soudaine, donc avec plusieurs tonnes de métal qui apparaissent sur certains secteurs. Je ne m'appesantis pas. Autre outil qu'il faut aujourd'hui déployer, c'est le pénétrateur de sédiments. Alors, pénétrateur de sédiments classique permet de voir à la verticale du passage des éléments. Et vous voyez que les pénétrateurs de sédiments sont simples, soit alors pour envisager de pouvoir essayer d'avoir une couverture aussi large que possible, soit en mettant plus de série, soit alors en essayant de trouver des moyens de développement. Et c'est le cas notamment dans le cadre d'un projet avec un industriel de développement là aussi d'un outil tridimensionnel pour pénétrer les sédiments. Il y a un véritable enjeu qui dépasse effectivement ce seul projet, au même titre que ce projet dépasse largement les simples questions autour du Leusden, mais couvre un champ bien plus large. Et s'il s'agit d'un projet international qui réunit des collègues hollandais et français, il s'agit de différents institutions. Il s'agit aussi d'avoir une réflexion à la demande de l'UNESCO, là aussi, sur une route de mémoire, sur l'hypothèse de mettre en œuvre un lieu qui soit un lieu de réflexion, là aussi, un lieu de mémoire, véritablement, sur ce que pouvait être la traite. Alors, la question se pose même d'un mémorial éventuel à Walla et à Limapo, et quel que soit le devenir de ce projet, je dirais, même s'il va se poursuivre, je vous le disais, dès 2020, mais c'est une épave assurément excessivement symbolique. La perte humaine a été considérable, et c'est, je vous le disais, d'une manière totalement apaisée que l'on souhaite, nous, approcher véritablement ce dossier pour essayer d'aller dans une démarche la plus constructive possible et qui traverse véritablement la question de la seule archéologie sous-marine, dans la mesure où on embrasse là véritablement une question totalement méconnue de notre histoire, de l'histoire des côtes de Guyane et du Suriname, et qu'il faut aujourd'hui sans doute contribuer à remettre véritablement dans une réflexion collective. Et c'est pour cela que nous tenions véritablement à essayer d'être présents parmi vous aujourd'hui notamment. Je vous remercie. Frédéric, pour cette présentation des premiers pas d'un projet, vous l'avez compris, qui va être intéressant à plusieurs égards. Les nouveaux outils innovateurs que tu as présentés vont permettre la recherche du LinkedIn, mais également, comme tu l'as dit, d'être utilisé à plusieurs objectifs, et dans plusieurs objectifs. Est-ce que certains d'entre vous... sur des épaves avec un tout autre champ historique, mais où on avait des pertes d'équipage complet. L'épave de la Lune, par exemple, avec 1300 personnes qui ont sombré directement devant Toulon. Où, là aussi, dans l'approche de cette épave, la question de la dimension humaine se pose avec une immense acuité. Donc il ne s'agit pas d'aller fouiller exhaustivement un site comme celui-ci, et il s'agit de toute manière, de manière pluridisciplinaire, d'avoir une réflexion commune sur la manière d'approcher les vestiges humains, comme on le fait de toute manière dans une sépulture. C'est une sépulture collective, et il y a une approche, une réflexion qui aujourd'hui est assez maîtrisée. Mais chaque cas amène de toute manière à envisager une approche bien spécifique. Et ce sera le cas de toute manière. L'idée première est d'avoir de toute manière la possibilité de localiser le gisement, de pouvoir l'identifier et de pouvoir le dater. Sur le deuxième aspect de votre questionnement, qui était des anomalies. Dans ce secteur-là, aujourd'hui, on a toute une série d'anomalies. Il s'agit maintenant de les caractériser. Et tous les sites contribueront de toute manière à l'inventaire et à la carte archéologique. Celui-ci est emblématique et doit de toute manière avoir un traitement et un suivi exemplaire. Donc, la réflexion est en cours sur la manière d'approcher, la manière d'être le moins intrusif possible, et de toute manière d'avoir une réflexion vraiment extrêmement attentive à tous les ressentis. Il ne s'agit absolument pas d'aller vers recherche sous-marine, la présence de tels projets près du littoral, mais ce type de découverte qui n'a pas encore été confirmée concernant l'épave du Lozden, si j'ai bien compris, c'est une découverte d'intérêt national. Probablement, peut-être, si on l'autorise au niveau national. nationale, il y aura très probablement de la part du DRASC la décision d'aller mener un sondage, un carottage ou quelque chose. Mais on n'ira pas fouiller une telle épave et notamment se trouver confronté à la présence de restes humains dans ce qui est leur dernière sépulture. À mon avis, c'est un sujet, je me permets d'intervenir, à mon avis c'est un sujet impossible à traiter, je veux dire, là on est vraiment dans le sanctuaire, le dernier lieu de vie de ces gens abandonnés. Donc c'est simplement par rapport à cette recherche historique, Amsterdam, des universitaires, la volonté d'aller jusqu'au bout. Et le DRASP, effectivement, dans la collaboration avec le DRASP, ça a été de se dire oui, c'est bien dans l'embouchure du Maroni, et non pas près de Paramaribo. Donc, effectivement, les investigations ont commencé sur l'embouchure du Maroni, et il y a de fortes chances que ce soit bien là, après relecture des archives et des cahiers de bord. Mais, enfin, je me tourne vers Régis, je ne pense pas de toute façon. Enfin, le DRAS, parce que c'est le DRAS dans ce cas-là qui est directeur de l'opération, il y aurait une quelconque volonté de fouille, même si il y avait une demande de fouille régionale, enfin locale, je ne pense pas que l'État accepterait dans les eaux territoriales de l'État, c'est-à-dire que là, ça relève directement du ministère de la Présidence. C'est pas, on n'est pas sur le. On n'est pas à l'intérieur du territoire, on est à l'intérieur territoriale, dans les eaux territoriales, face à un tel site, on n'ira pas au-delà de l'identification. Après, effectivement, il faudra valoriser les connaissances. comme je vous le disais, il s'agit aussi d'un mouvement de la volonté du ministère de la Culture au travers du DRASM et donc les eaux sous juridiction française d'être accompagné et un certain nombre de projets et de projets d'envergure puissent être véritablement accompagnés. Et on ne peut pas dire qu'on est brillé par notre présence pendant les dernières décennies, mais imaginez aussi que nous avons gardé l'ensemble des façades maritimes. Il y a un moment où on doit faire des choix qui sont des restes humains, mais je vais pas revenir sur ce que je pensais dire, mais c'est par rapport à votre intervention, à votre réflexion, qui m'a semblé mais que sont devenus les ossements, c'est ça le problème. Ouais. Non, mais c'est de, alors de dire en deux mots, mais vous venez de répondre, hein, mais quand même de dire en deux mots sur la question des restes humains et de la recherche en général. Il est évident que la question des restes humains, sur le plan juridique, le débat est encore présent, est encore entier, n'est pas tranché sur la question du devenir des restes humains. On aurait la question de prévenir. Rappelez d'abord, et vous l'avez dit, que la recherche archéologique, et notamment lorsqu'elle est confrontée à des restes de ces micros, des restes humains, la recherche archéologique, il y a des moments où on peut s'interroger sur la nécessité d'aller jusqu'à la fouille. Il y a des moments aussi où on doit s'interroger sur le fait que la recherche archéologique est là pour faire progresser la connaissance. Il faut faire attention dans ces débats qui ne sont pas du tout apaisés. Il faut d'abord garder à l'esprit que dans notre pays, enfin, beaucoup d'endroits de la planète, les chercheurs sont là pour faire progresser la connaissance. Et qu'interdire à certains niveaux des procédures de recherche, c'est, j'ai envie de dire, c'est faire un pas en arrière. Donc il faut d'abord effectivement avoir une approche apaisée. Après, sur les restes humains, lorsqu'on est dans l'obligation de mener une opération archéologique parce qu'il y a des projets d'aménagement qui ont été autorisés dans le cadre d'un débat public, et c'est lié donc au choix d'un État de faire progresser l'aménagement sur son territoire, et l'instant que cet État est un État avec un régime démocratique, on est effectivement dans le cadre d'application de la loi, c'est ce que disait M. Selman au départ, on tombe dans le cadre de l'archéologie préventive par exemple, où on va procéder à des fouilles préventives qui vont parfois nécessiter le prélèvement de restes humains. Je me souviens au moment où j'avais suivi une opération préventive de l'INRA, qui a été confrontée à la nécessité de fouiller des charniers humains liés à la bataille durant les guerres de Vendée sous la République, la Première République, des batailles qui avaient conduit au massacre de la colonne vendéenne qui remontait vers Granville à l'époque et qui avait été massacrée par la cavalerie républicaine dans le Mans. Donc là, la fouille de ces charniers humains, il y avait une problématique posée par l'INRA. Était d'abord de savoir comment avaient été traitées ces femmes, ces enfants, ces soldats vendéens avaient été traités par la cavalerie pendant la bataille, enfin, après la bataille. Est-ce qu'ils avaient été jetés n'importe comment dans des fosses? Est-ce qu'il n'y avait pas des mélanges aussi entre des soldats républicains et des soldats vendéens? Voilà, il y avait des questionnements parce qu'il y avait obligation de fouille avant la construction de ces bâtiments. On avait jugé, après des adaptations du projet urbain, qu'il y avait des petits espaces où on ne pouvait pas ne pas fouiller, donc il fallait y aller. Et on a été confronté évidemment à des restes liés à cette année sanglante. Qu'est-ce qui s'est passé évidemment après? On est tombé, juste après la fouille, dans les premières revendications des ossements par des communautés religieuses, par des communautés historien sur la Vendée républicaine. Voilà, des choses. très complexe avec restitution des ossements pour créer un mémorial ici ou ailleurs. Donc évidemment, on est reparti au plan national sur le débat de la question des restes humains et de la conservation. À ce stade-là, la réponse a été, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était de dire que la fouille ne pouvait pas être évitée, on l'a menée. Les restes humains, après les publications, vont d'abord restituer à l'État qui a installé ces restes humains, qui ne sont pas des biens archéologiques, je le rappelle, ne sont pas des biens archéologiques, vont être conservés dans un dépôt, un CCE comme celui de Rémire-Montjoly, et peuvent être ensuite discutés avec les collectivités territoriales, en l'occurrence, si je prends le cas des Charniers Vendéens, dits Vendéens, c'était la commune du Mans, discuter sur un réenfouissement des restes. Mais même ce débat-là est très compliqué, puisque les restes humains peuvent être l'objet, postérieurement, à de nouvelles études scientifiques anthropologiques, au vu du progrès des connaissances. Donc ça, c'est vraiment un débat compliqué. Il faut savoir rester apaisé là-dessus, sur l'épave du Lesden, c'est ça ? Voilà, on reste sur la même idée, c'est qu'on est juste là pour identifier. On n'ira pas fouiller une telle épave, je ne sais pas qui l'autoriserait et qu'est-ce qu'on ferait après des restes dans les conditions, si dans les conditions sous-marines, c'était fouillable, mais j'y crois peu. Enfin voilà, je ne sais pas si j'ai... fait beaucoup réagir sur les restes et je crois qu'il y a suffisamment d'exemples de pays démocratiques en Amérique, notamment les États-Unis, qui ont fait référence à une culture européenne qui est baignée, qui sait ce que c'est que de l'archéologie. C'est un peu plus compliqué. On est dans un. Je suis d'accord que déjà en France c'est compliqué, en France métropolitaine, vous avez trouvé un exemple de Kosovo qui est absolument passionnant. Ici, je ne crois pas. Vous connaissez les histoires des Dakota, des Cherokee, les archéos, les restes anciens ou pas. C'est des débats qui sont toujours d'actualité aux États-Unis et qui nous démontrent quoi ? C'est surtout que les groupes autochtones n'ont pas été suffisamment tôt associés à ces réflexions qui amènent à ce que vous appelez de pas en arrière. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément tout le temps de pas en arrière. Oui, pour l'archéologue, parce que. Donc c'est, je pense, beaucoup plus compliqué. Et ce type de débat, je crois que ça fait quelques années que je suis en Guyane, c'est la première fois que je l'ai. Il y a aussi un cimetière, il y a aussi des réflexions. Et je crois qu'il faut plutôt anticiper ce genre de questions. Donc l'exemple du bateau est très intéressant, parce que normalement, il faut, je pense, aller un peu plus dans les communes, un peu plus en parler que juste à Cayenne, pour anticiper un éventuel problème qu'on peut aussi retrouver sur les fonds d'habitation, sur les cimetières d'esclaves, des choses comme ça qui peuvent ressurgir. Je pense qu'on n'en parle pas assez, voilà. Donc il faut absolument aller sur le terrain, dans les petites communes, et que ça ne reste pas juste aujourd'hui à Cayenne. Et en tout cas, c'est un super exemple pédagogique pour entrer les populations là-dedans. Quoi. Oui, on perd du temps, mais là, il ne s'agit pas... Mais votre question semble, je sais pas, vous semblez vouloir dire qu'il serait intéressant de fouiller les plaques du Lesden. Non, je trouve intéressant que l'État démultiplie ce type d'action pédagogique. Ah oui, ben ça, on ne manquera pas, le DRAS, mais la DAC ne manquera pas de communiquer avec d'autres sur cette belle recherche actuellement qui est menée à partir des archives du Lesden, mais sur la question de la fouille des restes humains. De cette épave au fond du marronnier, on en restera une valorisation des archives et des prospections. On n'ira pas au-delà, à mon avis, pour le moment. Merci. Je vais rattraper le programme au vol. Juste pour dire que le service a déjà effectué des actions au bord de Cayenne et sur les archéologiques, pour ne citer qu'elles, sont déjà déplacées à Saint-Laurent-du-Maroni il y a très peu de temps. Donc, ce sont des missions quotidiennes du service et je sais d'autres organismes de parler en permanence aux populations, de leur restituer leur patrimoine, qu'il soit au niveau du mobilier archéologique, des productions, des pratiques, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. inquiétez pas, on œuvre à cela. Et c'est et aujourd'hui, merci encore Frédéric d'être venu nous présenter le LOSDEN. C'en est un fameux exemple. Les archéologues, vous le savez, ne regardent pas que dans le sous-sol, ni sous les eaux. L'histoire est écrite sur nos murs, et c'est un peu